tourne. Ça tourne. Très bien, la matière à connaître. Oui. Nancy, ça commence par deux, par Méroc, ensuite c'est Mixel qui se poursuit sur une deuxième page. Voilà, on va passer un peu de l'année, je vous en montre. C'est tout ça, on va commencer à ça. Tiens, on suivra ensemble. Voilà, on suivra ensemble. Et puis, moi je dois avoir le montage. Alors, ça fonctionne, ça a commencé, mais expliqué qu'il fallait juste arrêter. Faire moins de boulot. Voilà, le matériel. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, Elisabeth Mounet ne pourra pas être avec nous. Donc, je présente la séance d'aujourd'hui rapidement. Donc, vous avez vu. Y a-t-il un prof des programmes Voilà, on peut le faire passer comme ça. Vous avez les éléments de la séance d'aujourd'hui et. Celle des prochaines séances. Alors, avant de donner la parole à Claudine et à Julie Vatin, qui sont les répondants de la table ronde, deux informations pratiques. La première concerne la séance du 4 juin. Alors, la séance du 4 juin est dédiée aux travaux du doctorant associé au CRITEX. Donc, je demande aux doctorants qui sont présents ou alors directeurs de recherche d'envoyer des propositions. Il y aura un appel spécifique, mais rapidement. Il s'agit d'interventions assez courtes, une quinzaine de minutes, sur la problématique de leur thèse liée à la problématique du séminaire. Donc, c'était ça qu'on avait convenu lors de la dernière réunion du comité. Deuxième information. Nous allons créer des cahiers du prétexte, donc une série de monographies numériques sur la plateforme hypothèse.org destinée à publier les activités du prétexte. La première activité sera justement la publication des actes du colloque qui a eu lieu en octobre dernier. Et pour l'instant, il s'agit d'un titre provisoire. Si vous avez des idées plus sympathiques que cahier du prétex, vous êtes bienvenue. Troisième information, la journée d'études comédiens auteurs des 18e et 19e siècle qui était prévue pour les vendredis 1er mars est déplacée au 21 juin, jour de la fête de la musique. Toujours en Sorbonne. Voilà, c'est les dernières informations. Bien entendu, vous avez les programmes du colloque du 21 au 22 mars. Donc, je vous invite de le récupérer. La première séance aura lieu ici à Sorbonne, dans la salle des J636, au troisième étage de l'escalier que j'ai. Donc, faites attention, c'est une salle mystérieuse avec un contrôle à l'entrée. Car il y a eu des soucis il y a quelques temps, c'est pour ça qu'il y a un monsieur qui vous demande peut-être votre carte. Voilà. C'est une salle où il faut être docile, il faut vraiment prendre l'escalier G et monter, et puis au bout d'un moment on y arrive. Merci. Bien. Donc, bonsoir. Si les annonces sont finies, je vais vous présenter nos intervenantes de ce soir. Nous sommes donc réunis autour de trois chercheuses dont les spécialités se croisent autour de des dramaturgies européennes des 16e, 17e et 18e siècles. Clotilde Touré est l'instigatrice de cette table ronde. Elle est maître de conférence en littérature comparée ici à Paris-Sorbonne, spécialiste des théâtres européens des 16e et 17e siècles. Elle est l'auteur, entre autres, de Seul en scène, un ouvrage consacré au monologue dans la modernité du théâtre, dans la première modernité du théâtre européen, ainsi que d'un très grand nombre d'articles sur les questions de politique, de morale au théâtre, ainsi que de poétique des genres et du genre théâtral. voilà. Clotilde sera donc accompagnée de Sarah Nancy, que nous avons déjà eu le plaisir d'entendre lors de la première séance de ce séminaire en octobre, je crois, en novembre. Sarah Nancy est maître de conférence en littérature française à Paris 3, spécialiste de littérature du 17e et en particulier des rapports entre littérature, musique et opéra, et de la dynamique entre voix parlée et voix chantée. Elle est l'auteur d'un ouvrage consacré à la voix féminine et au plaisir de l'écoute en France, au XVIIe et XVIIIe siècle, et également l'auteur d'une série d'articles ayant trait notamment à la question de la voix, voix et violence, voix et émotion, transmission de l'émotion, voix et corps de l'interprète. Et notre troisième intervenante, Véronique Locher, est maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Haute-Alsace-Mulhouse, spécialiste des théâtres européens des 16e et 17e, une bonne cohérence entre nos trois intervenantes. Elle est auteure d'un ouvrage sur la didascalie, intitulé « L'écriture du spectacle », et de nombreux articles, notamment sur la frontière, les échanges entre théâtre et roman, théâtre et fiction. Également d'articles sur l'histoire du livre, la présentation du texte dramatique sur la page, dans ses indications, ses listes de personnages, son paratexte, etc. Donc, ce soir, la question qui nous réunit est... Qu'est-ce qu'on garde dans une représentation théâtrale et qu'est-ce qu'on garde d'une représentation théâtrale? C'est donc la question de spectacle et transmission qui va nous occuper. Je vais laisser Clotilde vous faire une présentation de cette question et puis ensuite nous entendrons successivement, je crois, Sarah Nancy et Véronique Locher. Merci beaucoup, Julie. Alors, je dois commencer par un aveu, c'est que j'ai volé la transmission, ou plutôt j'ai volé l'idée de transmission, je me suis approprié cette idée pour cette séance. Ce que je veux dire, c'est que la question de la transmission du spectacle n'est pas forcément au cœur de mes recherches, ni un objet sur lequel je travaille beaucoup, et donc je vais plutôt que présenter un propos très construit, évoquer et donner une série de réflexions, hein, parfois à partir d'exemples. Et mon idée était d'esquisser un paysage problématique, on pourrait dire, sur lequel allaient venir s'inscrire ensuite donc mes deux invités. Qui viendrait donc ensuite s'inscrire, elle, au premier plan, puisque c'est à elle deux en particulier que je dois l'idée de cette séance. Cette idée de la transmission du spectacle, elle m'a été suggérée par un certain nombre d'échos ou de résonances qui me l'ont désignée comme une problématique intéressante pour le séminaire du PRITEPS et pour le séminaire du PRITEPS, qui est donc à trois composantes, parce que c'est un séminaire qui se fait à plusieurs voix, parce que c'est un séminaire qui est interdisciplinaire, et parce qu'aussi c'est un séminaire doctoral. Alors, la question de la transmission, c'est-à-dire le fait de, ou la manière de transmettre quelque chose d'une personne à une autre, ou d'un lieu à un autre, était en quelque sorte appelée par plusieurs voix. Cette transmission, cette question de la transmission, elle était déjà de la transmission du spectacle, elle était déjà présupposée par la construction de la problématique qu'avait proposée Anne Duprat pour ce séminaire, qui, entre autres, hein, posait la question de l'archivage et, à travers lui, de la reconfiguration de l'objet spectacle. Cette question, elle vient aussi, elle s'est aussi trouvée en écho avec mon intérêt pour les polémiques en Europe sur le théâtre, les polémiques sur le théâtre européen des 16e, 17e et 18e, parce que le débat porte sur le théâtre en soi, c'est-à-dire que ce soit le problème de son immoralité ou de ses probables effets néfastes, ou que le débat porte sur une pièce en particulier, la dimension spectaculaire de la pratique est toujours mise en cause. Et cette dimension spectaculaire, qu'il s'agisse là pour le coup, qu'il s'agisse du spectacle ou qu'il s'agisse d'un spectacle en particulier, d'une production pour reprendre, pour faire un anglicisme en fait. Cette question, elle est aussi liée, me semble-t-il, à une interrogation de nos disciplines littéraires, sur nos disciplines littéraires, qui sont en partie fondées sur ou par ou pour la transmission des textes et donc aussi des textes dramatiques. Et il y a donc un questionnement qui ces dernières années, sur la matière, quels textes, quels objets transmettons, et aussi sur la manière, comment est-ce qu'on décide ou on peut peux décide de les transmettre. Et donc cette question, elle me vient aussi, enfin, de mes deux invités, à cause de leurs travaux et aussi, par le biais de leurs travaux et par le biais aussi d'événements qu'elles organisent cette année et dans les mois qui viennent. Alors, Véronique Lecher, Julie le rappelait à l'instant, a travailler sur la didascalie. On pourra éventuellement faire circuler ce très beau livre qui est le sien. Cette didascalie, ce livre, il porte le titre de l'écriture du spectacle, justement. L'une des façons d'envisager la didascalie était de la prendre comme ce qui enregistre et qui en même temps programme et ou programme le spectacle. Au mois de mars prochain, elle organise un colloque. Alors, on enverra le programme dès que tu me l'auras donné dans une version qui est communicable, parce que là, on avait des feuilles plus compliquées à mettre en œuvre. Mais donc, un colloque qui s'intitule « Transmettre les littératures d'Ancien Régime, de la commémoration au spectacle vivant ». Et il s'agit de s'intéresser là donc à la transmission non seulement du contenu, mais aussi de pratiques, de dispositifs de communication, de dispositifs communicationnels. Je reprends des mots de ton argumentaire. Le spectacle apparaît là comme un objet à transmettre, mais aussi comme un vecteur de la transmission. Et justement, il y a, tu en diras peut-être un mot, des spectacles prévus dans le colloque, justement dans cette perspective. Sarah, tu t'es intéressée à la voix féminine dans la tragédie en musique en France au XVIIe et au XVIIIe siècle, et justement ton livre est paru il y a quelques mois maintenant, et tu vas organiser un colloque sur la voix du public. Voix du public, et ce colloque se posera la question aussi de savoir quel témoignage on a d'un spectacle, du spectacle et de ses effets. Il m'avait semblé justement aussi que la question de la transmission, elle se posait en particulier, la transmission du spectacle se posait en particulier à cause de cet intérêt et de cet objet qu'était la voix, puisque c'est un élément du spectacle qui est en quelque sorte l'éphémère de cet événement le plus éphémère, de cet événement éphémère qu'est un spectacle, qui est une représentation, puisque cet objet, ce phénomène, je ne sais pas très bien comment effectivement désigner la voix féminine, c'est ce qui s'efface plus encore que le spectacle lui-même. Et ce livre, il est accompagné d'un disque sur lequel Sarah chante quelques airs, ou passages, séquences des tragédies en musique qui sont l'objet de son étude. Évidemment, on se pose la question là de savoir si effectivement ce disque, est-ce qu'il vient contredire le mouvement d'effacement, est-ce qu'il vient reconfigurer justement cet objet qu'est la voix féminine au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc on le voit avec cette série d'évocations, la transmission du spectacle qui m'ont mené à proposer cette formulation, la transmission du spectacle est un carrefour de questions que j'avais résumé sous la forme suivante. Qu'est-ce qu'on garde slash, j'oublie comment on dit en français, barre oblique, dans la représentation théâtrale. C'est une question valise un peu dense, peut-être un peu obscure, que je vais éclaircir rapidement en distinguant trois ensembles de questions qui correspondent d'ailleurs à trois situations temporelles du spectacle, en quelque sorte. Et puis, j'évoquerai après deux exemples, rapidement, justement, de spectacles transmis, de spectacles d'exemples de spectacles, oui, qui ont été de représentations auxquelles on a accès, malgré de spectacles anciens, et je ferai quelques remarques pour conclure ensuite. Donc, premier ensemble de questions, ce serait la transmission du spectacle dans le présent de la représentation, c'est-à-dire la transmission du spectacle, là, pour le coup, de la scène à la salle, ce qui pose le problème suivant, non pas le problème, la question qui se pose alors, c'est qu'est-ce qui se transmet du spectacle sur la scène au public dans la salle. Et quand on travaille en particulier sur les siècles dits anciens, ou les siècles 16e de la Renaissance, puis de l'âge baroque, puis de l'âge classique, c'est en particulier la question des émotions soulevées par la représentations et de ces émotions avec leurs éventuels dangers, notamment l'éveil passionnel ou le brouillage axiologique qu'elles peuvent provoquer. C'est aussi la question de l'impression, presque au sens mécanique, que fait le spectacle sur le spectateur. Et je pense ici en particulier au modèle rhétorique qui a aidé, qui a été justement un modèle de compréhension de la circulation et de la transmission des passions lors de la représentation, puisque l'idée était la suivante, que l'émotion se transmettait du poète qui la ressentait au moment où il écrivait, qui se transmettait du poète à l'acteur qui interprétait le texte, et l'acteur, donc personnage sur la scène, depuis le personnage, la passion se transmettait enfin au spectateur. Et cette transmission, elle a pu d'ailleurs, dans ce cadre, être pensée sur le mode de la contamination ou de la contagion. Alors, ce premier aspect de la question, il est peut-être un peu en retrait ou à côté par rapport à la perspective du séminaire telle qu'elle avait été évoquée ou construite par Anne, mais finalement peut-être pas tant que ça. Le deuxième ensemble de questions, c'est si on considère le spectacle comme un phénomène du passé cette fois. Et à ce moment-là, évidemment, la question qui se pose et que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, c'est comment est-ce que ce spectacle se transmet à nous ? Qu'est-ce qu'on garde des représentations passées, des spectacles du passé, quelles traces en a-t-on ? Autre manière de le dire, quelles traces ont été choisies de ces spectacles, et ont été consignées. La question est plus évidente encore lorsqu'on travaille sur des périodes anciennes, justement, là aussi, parce que c'est peut-être un biais de quelqu'un justement qui travaille sur des périodes anciennes, mais avoir l'impression que notre époque est celle d'un âge de la conservation, et au théâtre, en tout cas, d'un âge de la captation, où l'on essaye de minimiser la perte, ce qui ne veut pas dire, évidemment, et personne n'a cette idée un peu naïve, de penser qu'il n'y a pas de perte, ou bien qu'on a accès à un fait brut. Mais il y a véritablement un décalage entre ce qui reste de spectacle ancien et une captation d'un spectacle qui a pu être filmé dans les dizaines d'années qu'on vient de parcourir. Le troisième ensemble de questions, c'est lorsque l'on considère spectacle en tant que vecteur de transmission, c'est-à-dire en tant qu'il transmet le texte de théâtre et aussi le texte ancien, voire les pratiques anciennes. L'interrogation, alors, elle est gouvernée par un point de vue qui est tourné vers le futur. Qu'est-ce qu'on décide alors de réactiver d'un texte ou d'une pratique scénique pour un spectacle ? Autour de quoi décide-t-on alors de réunir un public ? Autour de quoi est-ce qu'on décide de le diviser ? En fait, le questionnement, il se fait toujours depuis le présent. Et on retrouve là peut-être un lieu commun, une antienne très répétitive que l'on trouve dans le discours artiste ou le discours même disciplinaire. Le théâtre est un art du présent. C'est un lieu commun tel que l'on peut se demander s'il peut maintenant échapper à une note de mise en scène, une note d'intention de mise en scène ou à une présentation de spectacle dans les livrets que l'on nous distribue en arrivant au théâtre. Mais il y a peut-être un intérêt à revitaliser cette idée. En relisant le descriptif du séminaire, j'ai été d'ailleurs frappée par le fait que si le mot n'était là que sous sa forme adjectivale, c'était l'événement désignait aussi à l'étude ces lignes, l'événement de la représentation. Et justement, je voudrais là m'arrêter sur deux exemples rapidement, puisque je laisserai le temps à mes deux invités, bien sûr, mais évoquer deux exemples qui permettent de toucher du doigt l'événement, ou du moins ils donnent l'impression que l'on peut toucher du doigt cet événement. Alors le premier exemple, c'est celui d'une représentation d'une pièce qui retrace une vie de la Vierge à la cour d'Espagne. C'est une courte évocation qui se trouve dans un mémoire destiné au roi Philippe II. Dans ce mémoire, et vous avez l'extrait dont je n'ai traduit qu'une partie, dans ce mémoire, Lupercio Leonardo de Argensola, qui a été dramaturge mais qui s'en est repenti et qui est devenu un ennemi terrible du théâtre, dans ce mémoire, il demande à Philippe II l'interdiction des spectacles et en particulier du théâtre, des représentations dramatiques qui représentent des vies de saints. Il donne un exemple des raisons pour lesquelles il faut absolument interdire ces pratiques. La très pure Reine des Anges a été profanée par ces misérables instruments de turpitude, il désigne ainsi les comédiens. On en vit la preuve lors d'une représentation en cette cour de la vie de notre Sainte Vierge. Le comédien qui interprétait le rôle de Saint Joseph vivait en concubinage avec l'actrice qui jouait la Mère de Dieu. Et cela était tellement de notoriété publique qu'on se scandalisa et qu'on rit beaucoup quand on entendit les mots que la Vierge adresse à l'ange, « Quo modo fiet istud », etc. La vie pécheresse de la comédienne étant connue, la parole sacrée de la Vierge s'est ainsi transformée en mensonge, voire en question ironique, cela a provoqué évidemment le rire du public. Dans la suite du texte, dans les quelques lignes qui suivent le passage que je viens de lire, il y a aussi une scène de jalousie de Saint Joseph, qui évoque d'ailleurs, je crois, une scène du paradoxe sur le comédien, enfin c'est plutôt l'inverse, Saint Joseph est une scène de jalousie à la Vierge parce qu'il croit que l'actrice a justement regardé avec un peu trop d'insistance l'un des spectateurs. Alors j'évoquerai rapidement donc un deuxième exemple qui est la représentation d'une pièce allégorique et satirique de Middleton, A Game at Chess, qui a été représentée du 5 au 14 août 1624 à Londres. Les personnages sont des pions du jeu d'échecs. Alors vous avez, j'ai fait polycopier donc la page de titre de l'une des éditions qui reste de cette pièce. Cette pièce, elle met en scène les pions blancs qui représentent les Anglais et les pions noirs qui représentent les Espagnols. Et elle renvoie cette pièce à l'alliance avortée entre les deux pays, l'Espagne et l'Angleterre, qui devait prendre la forme du mariage du prince Charles, c'était déjà le prince Charles, qui était l'héritier de Jacques Ier, avec l'infante d'Espagne. Il y a eu quelques épisodes rocambolesques dans cette aventure diplomatique, mais les Anglais ont été à peu près leurrés par les Espagnols, et en particulier par un ambassadeur espagnol qui s'appelait le comte de Gondomar, et qui était connu des Londoniens. La pièce montre une tentative de conquête temporelle et spirituelle de l'Angleterre par l'Espagne et en particulier par les Jésuites. Le succès remporté par la pièce est énorme. Il y a 20 000 spectateurs dans ces quelques jours qui y viennent, ce qui représente entre 10 et 15% de la population de la ville. Et ce qui provoque un courrier du nouvel ambassadeur qui s'appelle Coloma à Jacques Ier. Dans cette lettre au roi, l'ambassadeur espagnol menace de rompre les relations diplomatiques si le roi ne fait pas interdire tout de suite cette pièce. Et le Privy Council, c'est-à-dire l'organe de gouvernement, va convoquer la troupe évidemment, va arrêter quelques-uns de ses membres et interdire les représentations de la troupe jusqu'à nouvel ordre et interdire la pièce bien évidemment. Et cette représentation, elle donne lieu à une série de textes et de documents assez savoureux que l'on trouve dans les éditions savantes de cette pièce. En particulier, il y a une lettre d'un individu qui vient d'arriver à Londres, qui dit qu'on ne parle que d'une chose, c'est cette pièce qui s'intitule « Game at Chess », que tout le monde à Londres n'a que ça à la bouche. Et aussi, on trouve, alors là, je n'ai pas pu vous les reproduire parce qu'elles sont assez longues, une lettre de Coloma, justement, au comte Bolivares, qui est le premier ministre espagnol de l'époque, dans laquelle il fait un récit assez circonstancié de la représentation, acte après acte, avec le discours, le public et ses réactions. Et il y a aussi la lettre d'un certain John Rawls au comte de Somerset, peu importe l'individu, l'identité de cet individu pour l'instant, qui là aussi fait allusion assez précisément à la représentation et en particulier donc à la chaise à porteur que l'on trouve sur la scène, la chaise à porteur de Gondomar, qui, pense-t-il, est la même que celle qu'il avait véritablement quand il était à Londres et qui se trouvait être une chaise percée qui était nécessaire parce que justement il avait une fistule qui l'obligeait à l'utiliser. Et tous les Londoniens le savaient puisque il y avait eu une série d'accidents de sur la voie publique qui avaient fait se répandre cette nouvelle. Et Coloma fait lui aussi allusion à cette chaise qui se trouvait sur la scène. Il précise aussi que l'habit que porte le personnage qui interprète cet affreux Gondomar, enfin affreux pour les Anglais, cet habit, c'était celui de l'individu même qui a été récupéré par les comédiens, et cela en fait une apparition plus vraie que nature, dit-il, it's almost to the life, il est brought on stage almost to the life. Et il évoque aussi donc des réactions du public qui sont assez violentes, violentes, c'est-à-dire que la rumeur et le bruit que fait les représentations sont entendus très loin. Donc je vais m'arrêter très rapidement sur quelques éléments communs de ces deux transmissions du spectacle. On peut voir que ce sont des évocations pour le coup assez précises. On évoque des moments de la représentation, des dialogues, la troupe, des éléments de la troupe, des costumes et des décors. Deuxième remarque, ce sont des pièces ou des scènes qui provoquent le rire du public, il y a un éclat et plus encore une émotion populaire à Londres. Ce sont des pièces qui font scandale ou des représentations qui font scandale, il y a même ce qu'on peut appeler véritablement un succès de scandale pour A Game at Chess. Et cette réaction, cet effet, il tient à la présence conjointe sur la scène d'éléments inconvenants ou normalement refoulés, le sexe ou l'ordure, et d'éléments provenant du réel, au sens de non-fictionnel, la chaise percée, les événements historiques ou l'identité de l'actrice. Et l'émotion, ici, l'effet, vient d'une articulation complexe de relations que le spectateur établit au cours de la représentation. Une relation qu'il établit avec les personnages fictifs, mais aussi qu'il établit avec les comédiens réels, et une relation qui le lie aussi aux autres spectateurs avec lesquels il rit. Il me semble que là, on voit de manière peut-être, je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais que le théâtre est un art du présent. François Le Cercle, quand tu avais fait un séminaire, je crois, l'année dernière sur l'irruption du réel, tu aurais certainement une démonstration plus éclatante à montrer de cela. Mais je crois qu'avec ces deux exemples, on peut peut-être le toucher du doigt. Et ce qu'on voit finalement avec ces deux événements, c'est que le scandale donne accès au spectacle et à ses différentes facettes, à ces différentes dimensions. Et je voudrais, pour conclure, formuler quelques remarques. Premièrement, c'est que la constitution même de l'objet spectacle doit faire face à la difficulté d'inscrire dans la durée et la stabilité ce qui est éphémère, ce qui est de l'ordre de l'événement. Que pour cette raison, et c'est ma deuxième remarque, il me semble intéressant d'envisager le phénomène du spectacle comme une séance, et là je reprends l'idée et le terme de Christian Bien dans un article qu'il avait consacré à l'illusion. C'est ce qui permet de prendre la mesure de ce qui se passe au spectacle, parce que l'achèvement de l'œuvre se fait, parce que le sens de l'œuvre se décide avec la représentation et avec sa réception par le public, c'est aussi ce qu'on voit ici. On le constate de nouveau, et je vais peut-être passer un peu vite, là-dessus, puisqu'on avait eu l'occasion de la première séance avec Pierre Capitagnac en particulier, Sarah et puis Laura Nodex aussi était revenue là-dessus sur le fait qu'on a des traces, évidemment, même pas des morceaux, puisque le spectacle est médiatisé par des discours, tout comme il le serait d'ailleurs par un décor qui resterait ou même par une captation, et qu'il reste à la fois peu et beaucoup. Mais ce qui reste, eh bien justement, ce n'est pas un enregistrement objectif, et ça sera ma dernière remarque, ce sont des paroles situées qui nous livrent des éléments sur les spectacles. Elles sont situées, en particulier ici, parce qu'elles sont prises dans des polémiques, dans des événements historiques, et du moins, en général, ces paroles qui nous restent, elles sont prises dans des positions critiques, qu'elles soient l'attaque ou la défense de tel ou tel théâtre, de tel ou tel type de théâtre, de tel ou tel genre, de tel ou tel dramaturge. Ce ne sont pas des témoignages directs, mais ce ne sont pas pour autant des textes inutilisables, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas pour autant, ces documents ou ces traces, comme des écrans entre le spectacle et nous. Et lorsque j'avais eu l'occasion de réfléchir avec Sylvain Guyot sur les émotions du théâtre au XVIIe siècle, sur la circulation des effets lors de la lors de la représentation dramatique, nous avions identifié ou essayé d'expliciter plusieurs raisons qui autorisaient de recourir à ces textes pour tenter de saisir les effets concrets du spectacle. Alors tout d'abord, ce sont des modèles de compréhension de ces effets qui se retrouvent d'un texte à l'autre et qui se retrouvent parfois chez des auteurs, dans des textes d'auteurs idéologiquement opposés. hein, la fièvre qui saisit le public, par exemple. Et ces récurrences, pour nous, faisaient symptômes. Elles montrent qu'il y a une perception similaire de l'effet ou de l'événement spectaculaire. En outre, puisque ces discours visent la persuasion, on peut faire l'hypothèse qu'ils décrivent des dynamiques émotionnelles, quand c'était notre objet, peut-être aussi là des dynamiques événementielles, je ne sais pas si la formule a du sens, mais que ces textes décrivent des dynamiques émotionnelles qui ne sont pas sans rapport avec les sensibilités des contemporains ou et des représentations qu'ils s'en font, parce que justement cette concordance, c'est la condition d'efficacité de tel discours. Et enfin, les polémistes détracteurs du théâtre affirment substituer souvent une analyse pragmatique à la spéculation chimérique des poéticiens, de sorte qu'ils envisagent le théâtre comme un événement concret et incarné. Donc ces hypothèses, enfin tout cela nous conduisait à formuler l'hypothèse que ces textes tracent que tous ces textes tracent un cadre de l'expérience émotionnelle théâtrale, qu'elles permettent de dessiner un ensemble de possibles émotifs. Et ici, il me semble qu'on peut faire l'hypothèse aussi que ces évocations de spectacle tracent un cadre de l'expérience théâtrale. Et à partir de ce cadre, on peut peut-être, effectivement, avec toute la prudence qui est peut-être nécessaire d'avoir, mais on peut reconstituer un spectacle, on peut rêver aussi peut-être à partir de ce cadre, et on peut aussi avec lui relancer le texte. Je ne sais pas s'il y a des enseignements à tirer des deux exemples que j'ai évoqués rapidement. Si je pouvais en formuler un, ce serait qu'il faut laisser vivre le texte, justement le laisser se déployer dans le jeu qui sera celui que montrera le spectacle. Ça a été une expérience aussi que j'ai faite récemment en voyant les Estivants de Gorky dans une mise en scène de T.G. Stan. Il faut donner au texte la possibilité de faire événement pour le public. Et cette possibilité, il me semble qu'elle est parfois contredite par une certaine tradition, en tout cas de mise en scène, qui tend au contraire à donner une lecture du texte. Voilà, il faut donner aussi, peut-être pour les lecteurs, au-delà du contexte théâtral, la possibilité au texte de faire événement. Et je m'arrête là-dessus et je passe la parole à Sarah. Oui, je crois qu'en plus, ça correspondait à l'ordre qui était... C'est ce qu'on s'était dit. Ah oui. Ça marche, là ? Alors, donc, qu'est-ce qu'on garde d'eux dans la représentation théâtrale ? Comme je l'avais dit à Clotilde, j'ai un peu buté d'abord sur la nuance entre « deux » et « dans » avant de comprendre qu'en fait, la formule convoquait au moins deux moments de la représentation théâtrale ou deux représentations théâtrales à deux moments différents. D'une part, la représentation théâtrale du passé, disparue, pour se demander ce qu'on peut en garder, ce qu'on juge important à transmettre d'elle, et d'autre part, la représentation du présent ou la représentation à venir, dans la mesure où celle-ci peut réactiver quelque chose de la représentation du passé. Donc, deux moments pour un mouvement, pour indiquer un mouvement, le mouvement par lequel quelque chose des représentations du passé peut arriver jusqu'à nous, ou plutôt le mouvement par lequel nous pouvons arriver jusqu'à ces représentations du passé. Et si je dis ça, je reprends là une idée formulée récemment par Jérôme David, un professeur à Genève, dans une table ronde qu'on organisait sur les usages de la littérature, où à la question « certaines œuvres traversent les siècles, pourquoi ?» il disait « ce ne sont peut-être pas les œuvres qui traversent les siècles, mais nous ». Et cette idée que c'est nous qui traversons les siècles ou qui traversons le temps pour aller chercher des choses qu'on veut garder, en fait, elle me semblait aussi contenue dans le verbe même « garder », qui me semblait dire que quel que soit le « on », chercheur, enseignant, metteur en scène, il faut une intention, une décision, un geste pour que quelque chose du passé arrive jusqu'à nous, ou même que quelque chose du passé se passe encore. Dans ces questions que j'ai entendues dans le titre, je reconnais donc la question de la perspective qui fait l'objet des rencontres de ce séminaire, de la perspective à adopter pour rendre compte de la représentation théâtrale. On en a parlé lors de la séance d'ouverture. Et comme j'ai pu faire l'expérience de la richesse d'une telle discussion lors de la séance d'ouverture, justement, j'ai évidemment eu un très grand plaisir à revenir en discuter, cette fois avec cette approche du temps qui passe et de la représentation théâtrale qui passe dans le temps. D'autant que, en fait, Clotilde m'a invitée en faisant une demande précise, ce qui est toujours très excitant et très, très accueillant, donc je le remercie très sincèrement, puisqu'elle m'a suggéré de me poser la question par rapport au disque audio donc, qui accompagne mon livre. Donc, comme elle disait, c'est un disque d'extraits de tragédies en musique, d'extraits d'œuvres dont je parle dans mon livre, donc, qui s'appelle « La voix féminine et le plaisir de l'écoute » en France au XVIIe et XVIIIe siècle. Et c'est un disque que j'ai moi-même enregistré puisque je chante. Donc la question que je me suis posée, c'est que garde ce disque, enfin que Clotilde m'a incité à me poser, que garde ce disque, que garde-t-il des représentations d'opéra du XVIIe et du XVIIIe siècle dont je parle, et que peut-il donc transmettre selon moi? Donc c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Et pour l'expliquer, je vais revenir sur l'enquête que je retrace dans mon livre. Ce qui a lancé ma recherche, c'est une interrogation délibérément anachronique sur la tragédie en musique. La tragédie en musique, je le rappelle, tout le monde ne le sait pas, c'est ce qu'on peut considérer comme le premier grand genre opératique français, puisqu'il est intégralement chanté, et donc c'est le premier véritable opéra français, on pourrait dire, grand genre d'opéra français, qui va donner lieu à environ 90 ouvrages entre 1673 et 1760. D'abord, j'avais fréquenté ce genre avec beaucoup de sérieux. Ce genre m'attirait puisqu'il réunissait littérature et musique dans un siècle qui avait toujours piqué ma curiosité, le XVIIe siècle. Et donc, je l'ai un moment fréquenté. J'ai fréquenté les livrets, les partitions, j'ai lu les textes théoriques. Et puis, soudain, je me suis demandé, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette forme d'opéra que les Français appellent opéra et qui a si peu à voir avec ce qui va s'imposer ensuite? Et même si peu à voir avec ce qui existe déjà au même moment en Europe et qui s'appelle opéra. Et puis d'abord, me suis-je aussi demandé où est la voix, et particulièrement où est la voix féminine, ce supposé cœur de l'expérience esthétique, si l'on en croit tant d'écrits sur le genre opératique, où est-il ou pourquoi n'est-il pas là? Et alors je dois préciser pourquoi n'est-il pas là. En fait, ça me semblait encore tordu que ma première impression, puisque la voix féminine n'était pas vraiment absente, puisqu'il y avait vraiment de vraies femmes sur scène, puisque les Français, à la différence des Italiens, ne toléraient pas, n'ont pas eu envie d'entendre des castrats. Mais ces femmes, leur voix ne semblait pas intéresser grand monde. Dans les textes qui exprimaient les attentes à l'égard du genre, et dans les comptes rendus de représentation, la voix féminine en particulier, la voix chantée en général, était complètement passée sous silence. Et musicalement, l'écriture semblait chercher à rendre discrètes ces voix en les retenant dans une tessiture restreinte, notamment dans l'aigu. Donc, de sorte que ce qui est normalement physiologiquement le propre des femmes, c'est-à-dire le propre de la voix des femmes, d'être centré dans le registre de tête qui ensuite permet ses envolées dans l'aigu, cela n'était pas rendu possible. Donc, quand je dis que ce qui a lancé ma recherche est une question anachronique, cela signifie que la tragédie en musique est devenue pour moi intéressante quand j'ai commencé à assumer cet étonnement dicté par ma culture, mes idées, mon oreille et ma voix du XXIe siècle. Puisque quand j'ai commencé à essayer de chanter ce répertoire, alors même que j'étais formée à chanter un répertoire lyrique traditionnel du XIXe siècle, je me suis sentie sérieusement brimée, je me suis sentie contrainte, retenue. Donc, en fait, ma recherche a commencé quand j'ai commencé à comprendre que mon objet n'était pas seulement les données de la représentation de la tragédie en musique, mais la perplexité aussi, la difficulté que j'éprouvais face à cet objet. Le questionnement alors ne pouvait plus être seulement sur le genre, son contexte, ou sa poétique, évidemment tout cela m'intéressait, mais ça n'était plus seulement ce que je visais. Mais je visais alors un questionnement sur ces conditions de possibilité. Que faut-il penser et sentir pour composer et goûter de tels ouvrages? Qu'est-ce que cela dit des effets attendus, souhaités de l'opéra et du théâtre? Vers quoi les auditeurs tendaient-ils l'oreille? Et avec quelle conviction? Bien sûr, ce genre de questions découlait directement de la lecture de Foucault, qui m'avait, comme beaucoup de gens, beaucoup enthousiasmé. Donc l'idée d'un cadre épistémologique et donc le projet d'une archéologie, plus que d'une histoire, m'avait beaucoup marqué. Et d'ailleurs, en plus, comme on sait, ce répertoire de l'opéra français des XVIIe et XVIIIe siècles avait déjà été revu dans la dizaine d'années qui ont précédé et rendu nouvellement passionnant par les travaux de Catherine Kinsler, directement inspirés eux aussi de Foucault, puisque c'est avec le concept d'estémé, donc esthétique épistémé, qu'elle avait pu montrer que l'opéra français de cette période, malgré son caractère composite, malgré son apparence hétéroclite et incohérente avec l'univers merveilleux, en fait ressortissait aux lois du théâtre. Donc la voie était tracée pour ce genre d'approche, sauf que, à la différence de Catherine Kinsler, qui rendait compte, et qui en rend compte de manière vraiment intéressante, excitante aussi, de ce qui était, à la différence de ses travaux, moi j'avais envie de comprendre pourquoi mon attente était déçue. J'avais envie de rendre compte de ce que j'entendais comme manquant, la voix féminine comme objet esthétique, comme centre poétique de l'œuvre. Pour cela, il fallait m'assurer que la voix féminine était bien un objet significatif et donc que je pouvais faire des paris sur le sens de son contournement, de sa sorte d'absence. Et ceci, c'est ce que m'a aidé à penser Nicole Loro dans son travail sur la voix endeuillée. Puisque ce qu'elle montre, donc cette spécialiste du théâtre grec antique, à la fois littéraire, philologue, anthropologue, ce qu'elle montre, c'est que la présence de la voix endeuillée, de cette voix spécifique au personnage féminin dans les pièces de théâtre grec antique, qui, une voix qui fait entendre le refus des personnages féminins de plier leur douleur, d'avoir perdu les amants, les frères, les pères, de plier cette douleur aux formes réglées du deuil, est ce qui empêche le théâtre d'être une parfaite célébration politique. Donc, bien sûr, on n'est plus du tout dans la même configuration de valeurs au XVIIe siècle, parce que, en très gros, au minimum, il n'y a précisément plus cette unité de la cité comme ce contre quoi on peut se positionner, comme ce à quoi on peut refuser d'appartenir complètement. Il n'y a plus d'horizon public stable, comme l'a montré Hélène Merlin-Cageman, sous la direction de qui j'ai fait ma thèse. Donc, évidemment, son regard sur la reconfiguration de valeurs m'a beaucoup aidé. Mais il y a au XVIIe siècle un nouvel agencement incertain des espaces publics et particuliers. Donc il ne s'agissait pas de transposer Nicole Loro, bien sûr, mais de penser au moins qu'avec la voix féminine, dans le théâtre occidental, on tenait quelque chose qui était significatif dans le rapport du théâtre au politique. On tenait un élément symptomatique de l'incomplétude politique. Avec donc cette incitation à faire quelque chose de cette absence de la voix féminine, je suis partie à la recherche des enjeux de la voix féminine au XVIIe siècle. Je suis partie à la recherche de ce à quoi elle pouvait correspondre pour comprendre à quoi revenait son absence. Je suis ainsi repartie des traités de rhétorique, des textes sur la conversation et sur le théâtre, en somme des textes sur le bien parler, et j'ai traqué les références au féminin. Ce qui est alors apparu, c'est que la voix, comme ce qui n'est pas le logos, est toujours perçue comme féminine, ou plutôt que féminin est le qualificatif, que l'on donne à ce qui, dans la parole, quitte le déroulement droit du langage. Féminin est le qualificatif qu'on donne à ce qui est en deçà de la parole, pas assez élaboré, du côté du Babil, ou au-delà de la parole, trop beau, la musique. Donc, féminin désigne ce qui, en tant que tel, dans la parole, entrave la féminin désigne ce qui, en tant que c'est aux marges du logos, entrave la construction d'un monde commun par le langage. Et donc, ce qui se dessinait dans tous ces textes sur l'art de bien parler, c'est une peur, et en même temps, proportionnel à cette peur, un immense espoir dans la capacité du langage à reconstruire du commun sur les débris d'un monde divisé. Ainsi, et cette fois, dans les ouvrages eux-mêmes, je suis revenue donc à mes tragédies en musique, et dans les ouvrages eux-mêmes, dans les témoignages d'écoute, dans les théories du genre de la tragédie en musique, dans les traités de chant, ainsi s'éclairait la minimisation ou la dévalorisation des sonorités propres à la voix féminine, mais aussi plus généralement le dégoût envers les voix de castrat et la voix de fossé, et encore plus généralement la méfiance à l'égard de la voix qui prend la pose, à l'égard de la voix non adressée, trop belle. Ainsi s'éclairait, dans l'autre sens, la promotion d'une vocalité très proche de la parole, la promotion de l'intelligibilité, des phrases courtes dans ce style de musique, des mélodies progressant de proche en proche, non avec des mélodies qui semblent se suffire à elles-mêmes hors de la parole. Et donc il s'agissait avec tout cela d'un idéal de voix qui, en quelque sorte, ne laisse pas sans voix. D'un idéal de voix qui, au contraire, laisserait présent l'auditeur à lui-même, le laisserait capable et désireux d'entrer en relation avec les autres. Que cela se fasse dans le temps de la représentation, comme de nombreux témoignages semblent nous l'indiquer, ou que cela soit possible dans un après de la représentation. Donc que cela soit que quelque chose soit ouvert dans l'auditeur, qui soit ensuite réinvesti, qui puisse ensuite être réinvesti dans des relations avec les autres. En somme, en faisant du contournement de la voix féminine un élément constitutif de la tragédie en musique, j'ai pu comprendre les enjeux du lien très fort de cette musique à l'art de bien parler et voir qu'il s'agissait non d'un asservissement à l'éloquence, aux conventions sociales, aux politiques, mais bien plutôt d'un investissement social et politique de cette expérience de plaisir. Voilà donc ce que j'ai voulu transmettre, garder de la représentation d'opéra au XVIIe et XVIIIe siècle. Moins des données, moins des faits, on le voit, que des hypothèses sur l'importance que de telles représentations avaient, sur les effets de ces représentations et sur ce que cela fabriquait chez les auditeurs. Et c'est ce à quoi a voulu aider le disque. Donc le disque, la première chose, c'est qu'évidemment, ça n'est pas une œuvre esthétique. C'est dans le choix des pièces... Donc j'ai choisi des extraits de tragédie en musique en essayant de panacher sur toute la période que je travaille, en essayant aussi d'aller plutôt vers des œuvres peu connues, voire absolument enfin, jamais, dont on n'a jamais aucune trace que ça a pu être représenté de nouveau. Mais j'ai conservé quand même des extraits, des tubes, enfin des extraits au contraire d'opéra qui sont très connus, Lully et Rameau. Donc dans ce choix, dans leur assemblage, je n'ai pas du tout recherché une construction esthétique. Je n'ai pas cherché un équilibre d'ensemble, je n'ai pas cherché des effets d'attente, de surprise, de résolution ou d'harmonie. Donc ça n'est pas un ouvrage esthétique. Ça n'est pas non plus une reconstitution. Il n'y a pas de prétention d'authenticité. Alors bien sûr, à ce moment-là, quand j'ai travaillé à ce projet, j'avais travaillé avec des chefs de chant, avec des chefs d'orchestre, des musiciens spécialistes de cette période, comme Christophe Rousset, Howard Crook, Claire Le Filiatre. Donc j'avais moi-même fait un travail de réadaptation de la manière de chanter, notamment dans un travail sur le volume, sur le vibrato. En fait, rapidement, avec les musiciens, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'était pas dans une quête d'authenticité du son. Non qu'on s'en fichait complètement, mais que c'était pas la voie qu'on voulait suivre. Car la question, en fait, ça n'était pas de promettre le vrai, de faire entendre un son authentique d'époque, mais de faire entendre plutôt une étrangeté capable de faire imaginer une autre conception de la voix et d'autres enjeux de l'écoute. Donc ça supposait en fait une certaine traduction, à supposer qu'on sache ce qu'on traduit, ce qui n'était pas le cas justement, puisqu'on ne savait pas s'il y avait, on n'avait pas vraiment d'idée claire de l'objet de départ. Mais de toute façon, on était dans une... on cherchait à provoquer quelque chose en passant par une sorte de détour. Ainsi, par exemple, j'ai voulu faire entendre la forte présence du récitatif et la brièveté des airs, qui nous font éprouver, pour reprendre la formule d'un théoricien allemand de l'époque, que c'est une musique plus, enfin que les airs de cette musique sont plus parlants que chantants. Et il ajoute d'ailleurs, cette musique est loin d'épuiser le pouvoir de la voix humaine. Ce n'est pas une musique de performance, c'est une musique donc qui enchaîne les petites pièces, les petits morceaux, donc où le récitatif est très présent, on ne peut même pas vraiment parler d'air, enfin, à quelques exceptions près, au sens où on n'a jamais l'impression qu'il y a une bulle de musique qui s'ouvre avec des retours sur soi, qu'il y a quelque chose d'une structure autonome, mais plutôt on a l'impression d'un déroulé continu. Donc voilà le genre de choses que j'ai voulu faire entendre. Et puis aussi j'ai voulu faire sentir ce qui m'avait d'abord alerté et que j'ai appelé absence ou du moins discrétion de la voix féminine, l'homogénéité de tessiture d'un rôle à l'autre. Et ça, la meilleure preuve en est que une interprète toute seule peut chanter tous les rôles en fait de ce répertoire, ce qui n'est absolument pas le cas, vous le savez sûrement, dans l'opéra des siècles suivants. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de bataille soprano mezzo à l'horizon. C'est pas ça qui va faire la caractérisation vocale. Donc là, un des premiers constats donc que j'amène à faire, c'est que si moi je peux chanter tout, c'est bien que tout est dans des limites tout à fait restreintes qui donnent la possibilité à presque n'importe quelle voix de s'y glisser. Et donc j'ai voulu aussi montrer que la caractérisation des personnages, si elle ne se fait pas par cette typologie de voix que l'on connaît mieux, se fait au sein de la même tessiture par d'autres nuances, notamment dans le rapport texte-musique, par exemple, et puis dans l'utilisation de divers agréments, c'est-à-dire de divers ornements à la française qui sont en fait beaucoup moins détachés de la ligne musicale que les ornements italiens et beaucoup plus des légères inflexions dans la façon d'émettre le son. Voilà donc par exemple les choses les plus importantes que j'ai voulu transmettre. Alors bien sûr il y a des risques à faire ce disque, à accompagner ma réflexion de ce disque, et je mentionne le plus important, comme le disait Clotilde en fait, et ce qui me désolait absolument au moment où j'avais et le disque et la thèse, c'est que d'une certaine manière ce disque en surface contredit purement et simplement tout ce que j'essaie de démontrer dans 350 pages et beaucoup plus de thèses en fait, puisque la voix féminine dont je ne cesse de dire qu'elle est absente, elle est forcément mise au premier plan par cette réalisation, et en plus c'est la mienne, ce qui est à la fois ce qui est troublant et gênant, enfin bref, il y a une mise au dehors de quelque chose qui peut semblait contredire donc tout ce que j'essaie de montrer. Donc évidemment, il faut écouter ce disque, je pense, en ayant à l'esprit que c'est une recomposition complètement artificielle de petits moments. Et donc c'est pour attirer l'oreille vers ces petites choses qui m'intéressent et qui sont donc autant de stimuli que j'essaie de transmettre à l'auditeur pour le conduire vers une nouvelle conception, oublié peut-être de l'écoute, que donc c'est pour souligner tous ces aspects que j'ai accompagné le disque de commentaires. Donc c'est ce que j'ai fait circuler, et donc maintenant je vous propose, après avoir beaucoup parlé du disque, d'écouter des passages, et donc vous avez, je pense, à votre disposition les commentaires des extraits. Le deuxième extrait est beaucoup moins habituel, je pense, aux oreilles, puisque c'est une immense scène en récitatif, donc je ne commente pas plus, où là, pour le coup, la musique ne décolle jamais. Bon, enfin, de toute façon, je ne voudrais pas trop dépasser le temps, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Je n'arrive pas à savoir si c'est parce que ça n'a pas téléchargé. Bon, mais enfin, de toute façon, comme je vois que j'arrive presque au bout, je vais m'arrêter. Je voulais simplement... bon, si ça revient, je le remettrai. Je suis désolée, je me suis... Oui, voilà, oui, d'accord. Bon, donc, bon, malheureusement, on n'entend pas. C'est un extrait qui est, je pense, très frappant parce qu'on entend vraiment le chant comme déclamation accentuée. On entend vraiment que le chant procède de la déclamation. Et par exemple, ce qui est très net, je trouve c'est un détail qui est très parlant, le récitatif, comme ça, ne se fredonne pas. Pour tous ceux qui, enfin pour tout ce qui nous fredonnons tous, on ne fredonne pas un tel récitatif puisque c'est complètement en prise sur la parole. On ne peut le fredonner qu'avec les paroles si on les a déjà en tête. Mais à la différence de tout un autre type de musique qui semble nous imprimer des dessins musicaux sur lesquels les paroles finalement sont peu importantes, c'est vraiment très différent. Tout procède de la forme de la parole. Donc pour conclure, j'aimerais donc pour répondre à la question, j'aimerais donc que ce disque avec le livre aide à se représenter une autre manière d'écouter et par là invite à s'interroger sur nos attentes, sur nos présupposés en matière d'effet de la voix au théâtre et de plaisir pris à la représentation théâtrale. J'aimerais donc qu'il garde, s'il doit garder quelque chose, un scénario de plaisir pris à la voix. Mais c'est important, et je le disais au départ, un scénario dans lequel je suis au présent, où nous sommes, au sens où ce scénario, en fait, ne vaut que dans la mesure où il s'écarte de présupposés que j'avais. Et du coup, dans ce sens, il n'est peut-être pas tant question de garder des choses que de transmettre des questions, ou alors, comme je le disais au début, de garder, sans oublier que c'est nous qui faisons le mouvement de garder en se gardant dans le champ de vision. Et la question, du coup, irrésolue à laquelle j'arrive, c'est que si on conçoit comme ça la possibilité de faire passer des choses de la représentation théâtrale dans le temps, si on se dit que ce qu'on peut prétendre garder, c'est quelque chose avec soi-même dans le champ de vision, pour le dire simplement, il y a peut-être des objets qui favorise ce genre de circulation et, par exemple, s'interroger sur ce que les spectateurs gardent à un moment, c'est peut-être un moyen d'être sûr, je crois, qu'on ne se trompe pas complètement dans ce mouvement de circulation. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, pour ma part, je vais aborder la question de la transmission du spectacle à travers deux de mes pistes de recherche. L'une qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'explorations et l'autre qui est appelée à se développer dans le cadre d'un colloque que j'organise au mois de mars prochain. Donc, je remercie beaucoup Clotilde de m'avoir invitée, en m'incitant d'ailleurs à faire la publicité de ce colloque, même s'il a lieu à Mulhouse, donc un peu loin d'ici, et surtout, qui plus est, en même temps exactement que ce beau colloque sur le dramaturge sur un plateau. Donc, ça aura lieu du 21 au 23 mars à Mulhouse. Alors, je vais vous présenter ces deux versants de mes recherches, dont l'un fait dialoguer l'Antiquité et le XVIe-XVIIe siècle, et l'autre, cette deuxième période, avec la nôtre. Et j'essaierai donc de m'interroger à partir de là, à la fois sur le spectacle comme objet de transmission. Le spectacle est-il voué à la disparition ? Que peut-on garder du spectacle des époques passées ? Et puis aussi sur le spectacle comme moyen de transmission. Est-ce que le spectacle est aujourd'hui un moyen privilégié pour réactualiser l'œuvre ancienne pour un public contemporain ? Alors le premier champ que je vais rapidement vous présenter concerne la réception du spectacle antique dans l'Europe de la Renaissance aux Lumières. J'ai commencé à m'y intéresser dans le cadre de mon étude des didascalies des XVIe et XVIIe siècles, qui peuvent apparaître comme des outils de transmission du spectacle au lecteur, puisque j'ai essayé de chercher les ancêtres des didascalies que j'ai eu l'impression de trouver dans les notes mises par les éditeurs du théâtre antique pour éclairer les lecteurs sur le spectacle. Et j'ai aussi poursuivi cette étude à travers un colloque organisé avec Zoé Schweitzer, dont les actes sont parus cet automne, et qui s'intitule « Philologie et théâtre, traduire, commenter, interpréter le théâtre antique en Europe, 15e-18e siècle ». Donc c'est à travers le souci de transmettre au lecteur des éléments d'un spectacle disparu que se manifeste chez les éditeurs et les commentateurs du théâtre antique la prise de conscience de la spécificité générique des textes de Sénèque ou de Terence. À la Renaissance, les philologues se mettent en quête des traces laissées par le spectacle dans divers types de traités, dans les bâtiments en ruine, mais surtout dans les textes dramatiques eux-mêmes. Et ils vont alors proposer des notes sur les conditions de représentation, sur les décors, sur les gestes des acteurs, qui invitent le lecteur à reconstituer le spectacle sur la scène de son imagination. Cette insistance sur la dimension spectaculaire doit permettre de mieux apprécier un texte destiné à la scène. Les lecteurs doivent essayer de se représenter les effets que pouvait produire l'œuvre sur l'assemblée des spectateurs, car, alors je cite Brumois, le spectacle et le jeu de l'action faisaient une des principales parties des tragédies anciennes. Donc c'est ce qu'il écrit dans le Théâtre des Grecs en 1730. Au spectacle qui était offert sur les scènes de l'Antiquité, se substitue alors le spectacle offert par le livre, dont les notes marginales, les gravures, le découpage en actes et en scènes évoquent la richesse sémiotique de la représentation. La limite de cette entreprise, c'est que le spectacle se trouve principalement déduit du texte, qui est le seul vecteur de la transmission de l'œuvre, ce qui tend aussi à réduire le spectacle à une simple expression du texte. Mais les pièces de l'Antiquité donnent aussi lieu à des représentations, à la Renaissance, qui transmettent donc ces textes aux spectateurs à travers l'expérience du spectacle. En effet, dès les années 1480, les comédies de Plaute et de Terence sont traduites en italien et représentées devant un très vaste public à la cour de Ferrare. Elles sont également jouées en latin dans les collèges et les universités, qui vont intégrer dans leur statut la représentation régulière de pièces antiques. Ces deux exemples de reprise de la pratique théâtrale qui avait été interrompue depuis l'Antiquité font apparaître les enjeux éminemment modernes de la transmission par le spectacle. À la cour de Ferrare, la représentation de la comédie latine est l'occasion de spectacles somptueux qui permettent au prince d'affirmer sa puissance. Et dans les universités, elle contribue à la formation des jeunes gens qui doivent non seulement maîtriser la langue latine, mais qui doivent aussi se former à l'art de la parole et du geste. Il semble donc que ce qui importe dans la représentation de ces œuvres anciennes, ce n'est pas tant la transmission du texte que le potentiel politique et pédagogique du théâtre lié à la dimension matérielle et collective du spectacle. Alors le deuxième questionnement qui m'intéresse et qui peut apparaître comme le pendant ou le prolongement de ces réflexions ancrées autour du XVIIe siècle concerne les modalités actuelles de la transmission de la littérature des siècles anciens à travers divers types de performances. Donc je vais organiser en mars prochain, avec une collègue, Andrea Kengo, un colloque sur la transmission de la littérature d'Ancien Régime, de la commémoration au spectacle vivant. Alors j'aurais aimé vous distribuer le programme, mais bon, pour des raisons techniques, je n'ai pas pu le photocopier pour aujourd'hui, mais il sera bientôt diffusé sur Internet. Alors, la réflexion et la discussion d'universitaires et de professionnels sur les manières de réactiver pour des publics contemporains l'efficacité d'œuvres littéraires anciennes prendra également corps dans ce colloque à travers quatre spectacles. On aura un atelier théâtral à partir d'œuvres humanistes qui font parallèlement l'objet d'une exposition dans une bibliothèque. Il y aura un récital ludique de Marco Horvat, inspiré par la carte de Tendre de Madeleine de Scudéry, est conçu comme une introduction à certaines formes de musique ancienne. Plus traditionnellement, il y aura la représentation de « La vie est un songe » de Calderon dans la mise en scène de Jacques Vincé, et puis la reconstitution d'une parodie d'opéra pour marionnettes du XVIIIe siècle. Alors évidemment, le colloque n'ayant pas encore eu lieu, je ne peux pas vous présenter les conclusions qui, j'espère, se dégageront de ce colloque à travers donc ces différentes tentatives spectaculaires de transmission de textes qui sont du théâtre dans certains cas, mais aussi d'autres types de textes. Donc ces deux perspectives invitent à s'interroger sur, à comparer la transmission du spectacle et la transmission par le spectacle à différentes époques. Alors on pourra sans doute souligner que la valeur accordée au passé et au texte, la constitution du théâtre antique en modèle, distingue fortement la période des XVIe et XVIIe siècles de la nôtre, qui semble plutôt marquée par une crise de la culture classique et par une crise de la transmission. Mais il y a sans doute aussi de nombreux rapprochements à faire et des leçons à tirer de l'intérêt suscité dès la Renaissance par le spectacle et par son histoire. Alors, j'en viens maintenant à quelques réflexions plus générales sur les liens privilégiés qu'entretiennent le spectacle et la transmission entendu comme le processus qui permet aux œuvres de traverser le temps. Alors ça rejoint évidemment des choses qui ont déjà été largement abordées. Le spectacle occupe visiblement une position paradoxale par rapport à la question de la transmission, hein, puisque défini par son caractère éphémère, il est d'abord l'élément le plus fragile du phénomène théâtral face au passage du temps. Seul le texte écrit traverse les siècles et les éditeurs du théâtre antique ne cessent de regretter la perte du spectacle. Marol, par exemple, commentant le spectacle offert par le chœur dans une tragédie de Sénèque, note « Nous ne saurions bien dire néanmoins de quelle façon cela se faisait, parce qu'il ne nous en est rien laissé par écrit ». Et on peut rappeler aussi qu'au Moyen-Âge, une grande partie du théâtre antique est conservée et copiée sous forme manuscrite, tandis que le spectacle à travers lequel il était transmis au public est complètement perdu de vue ou donne lieu à d'hypothétiques reconstructions, souvent assez éloignées de la réalité. Pourtant, en même temps, le spectacle constitue un médium beaucoup plus puissant que l'écrit pour transmettre l'œuvre dramatique. Et si les éditeurs du théâtre antique prennent la peine d'évoquer sans cesse ce spectacle impossible à reconstituer, c'est pour suggérer au lecteur la puissance supérieure des effets qui étaient produits dans la représentation. Alors, il y a beaucoup de témoignages de cela. Je citerai simplement l'abbé Dubos, au début du XVIIIe siècle, qui suggère que, alors je cite, « Si ceux qui trouvent les comédies de Terence froides les avaient vues représentées par des comédiens, qui mettaient du moins autant de vivacité dans leur action que les comédiens italiens, ils changeraient de sentiment. » La représentation théâtrale fait donc se rencontrer l'éphémère du spectacle et la pérennité de l'écrit. Elle est à la fois une répétition, ce qui la relie au passé, et un moment unique, ce qui l'ancre dans le présent. La succession des représentations d'un même texte assure la transmission de cette œuvre à travers le temps, mais chaque représentation est en même temps un événement unique au cours duquel s'établit une relation particulière entre les acteurs présents sur scène et le public. Donc en articulant ainsi l'éphémère et l'éternel, pour reprendre les termes de Daniel Mesguich, en associant conservation et création, la représentation apparaît comme une opération de transmission exemplaire. Alors, ce qui peut être intéressant de souligner aussi, dans une opération de transmission, quand on décrit généralement une opération de transmission, on insiste sur le rôle du médiateur, sur le rôle interprétatif et donc créatif qui est celui du médiateur. Alors, dans la position du médiateur, on trouve, dès les XVIe, XVIIe siècles, l'éditeur, le traducteur, l'acteur, le metteur en scène, qui occupent tous une position similaire par rapport au texte qu'ils interprètent pour le transmettre au public. Alors, ce qui nous a intéressé aussi, Zoé et moi, quand on a travaillé sur les rapports entre philologie et théâtre, c'est d'essayer de voir à partir de quel moment s'établissaient des rapprochements, des équivalences entre le travail de l'interprète, du philologue, et le travail de l'acteur, avec l'idée que, progressivement, on conçoit de plus en plus le jeu de l'acteur comme une forme d'interprétation. Et dans cet esprit, ce qui m'a paru intéressant aussi, c'est les remarques faites par Benjamin Lazare, hein, qui est un metteur en scène qui essaie de reconstituer le jeu baroque, et qui insiste sur le fait que l'acteur baroque propose une véritable lecture du texte, beaucoup plus que l'acteur contemporain qui a plutôt tendance à vivre le texte. Mais l'acteur baroque est plutôt un lecteur du texte. Alors on observe aussi que par rapport au texte édité pour la lecture, le texte destiné à la scène exige une actualisation plus forte, une adaptation aux circonstances de la représentation. Et c'est sensible, par exemple, par le fait que les comédies latines représentées à Ferrare ont été traduites en langue vulgaire pour se rapprocher du public. On observe aussi, quand on compare les traductions de Plaute et de Terence, que quand les traductions étaient destinées à la scène, les pratiques des traducteurs étaient beaucoup plus libres que les traductions destinées à la lecture. Donc il y a un contact recherché avec le public qui influence sur le mode de transmission du texte. La transmission réussie va trouver un juste milieu entre la fidélité et la liberté. à l'image peut-être des traductions de Plaute par Florence Dupont, telles qu'elles ont été mises en scène par Brigitte Jacques-Vageman. Mais il arrive aussi que la médiation fasse écran à la réception du texte. Et là, on peut citer comme exemple peut-être Charles Lamb, au début du XIXe siècle, qui affirme qu'il préfère la lecture du théâtre de Shakespeare à sa représentation, où son attention est sans cesse détournée par les détails des décors et des costumes et leurs fréquents changements, hein, puisque c'est une époque où on représentait Shakespeare en essayant de reconstituer par tout un tas de détails la période élisabéthaine. Et là, le spectacle fait écran au texte, finit par faire écran au texte. Alors je reviens encore une fois pour finir à la double question du spectacle comme objet de transmission et comme moyen de transmission. Donc on l'a vu, la transmission du spectacle pose la question de l'utilité de reconstituer les modalités originelles de représentation du texte. Alors de même que le spectacle partage la tension inhérente au processus de transmission entre la conservation et la création, il me semble que la reconstitution du spectacle des siècles passés oscille elle aussi entre un versant conservateur, hein, on peut penser à tout ce qui relève du répertoire, la comédie française comme conservatoire d'un patrimoine dramatique, donc toutes des une série de choses assez conservatrices, et puis d'autre part un versant innovant, voire avant-gardiste, où la reconstitution devient en fait un moyen de produire un effet de dépaysement par rapport aux pratiques dominantes de l'époque contemporaine. Alors, c'est peut-être ce qu'évoquait Sarah Nancy en parlant d'étrangeté, quand on essaie de reconstituer le champ des périodes anciennes. Donc, les praticiens de la scène utilisent souvent le pouvoir de décentrement ou d'étrangeté du jeu baroque. Alors, je pense par exemple aussi à la résistible ascension d'Arturo VIII, dans laquelle Brecht va utiliser le spectacle élisabétain véritablement comme un instrument de distanciation. Mais on trouve cela aussi dans les réflexions de Benjamin Lazare, hein, dont j'ai lu récemment un entretien de Benjamin Lazare dans la revue en ligne Agon. Et il explique que pratiquer le jeu baroque aujourd'hui conduit au désapprentissage d'un certain nombre de codes de jeu dominants. Hein, donc le jeu baroque apparaît comme un moyen de renouveler les pratiques de jeu contemporaines et de prendre conscience de certains mécanismes. Et il précise d'ailleurs que son intérêt en pratiquant le jeu baroque n'est pas du tout centré sur le patrimoine passé, mais beaucoup plus sur son apport au présent. Je le cite, « Je ne m'intéresse pas à cela en tant que patrimoine, mais à ce en quoi cela nous intéresse, nous ». Donc il y a un dialogue qui s'établit entre passé et présent. Et alors, j'arrive au spectacle, encore une fois, au spectacle comme moyen de transmission de la littérature. On voit que la mise en spectacle a tendance à s'élargir aujourd'hui à des œuvres non dramatiques. Il s'agit alors d'exploiter le pouvoir d'actualisation de la performance théâtrale. Alors, évidemment, on va retrouver le lieu commun, qui est que le spectacle inscrit le texte dans l'expérience présente du public, ce que Daniel Mesguich formule en disant qu'il n'y a de théâtre que contemporain, ou que le théâtre est essentiellement anachronique. Et là aussi, on peut retrouver l'idée que ce qui est transmis à travers le spectacle, ce n'est pas seulement le texte, mais un certain type de relation entre le texte et le public, si bien que la transmission par le spectacle n'a pas seulement une portée esthétique, mais aussi une portée éthique et politique. C'est ce que soulignent aussi bien Denis Guénoun que Benjamin Lazare, que je cite encore une fois, et qui répond à la question de son engagement en disant que le spectacle porte en soi son militantisme dans la mesure où nous sommes là pour partager quelque chose avec le spectateur. Donc à travers toutes les adaptations auxquelles le texte littéraire peut donner lieu, mise en musique, mise en image, mise en scène et même mise en livre, tout simplement. Donc à travers toutes ces adaptations se dessine peut-être l'une des caractéristiques fondamentales de la littérature, qui est sa capacité à passer d'un support à l'autre, sa capacité à être transmise. Ce qui nous rappelle aussi, comme le suggérait Roland Barthes, qui a affirmé que la littérature, c'est ce qui s'enseigne, ça nous rappelle que l'objet transmis est constitué par l'acte même de sa transmission. Et on peut peut-être ajouter aussi que l'enjeu de la transmission est de transmettre l'activité de transmission elle-même, ce qu'accomplit parfaitement le théâtre comme art du passage, comme art de la mise en relation entre des acteurs et son public, entre des mots et des corps. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup à tous les trois pour ces réflexions tout à fait passionnantes et sonores. Je voudrais simplement faire une remarque qui m'est venue, en vous écoutant, qui m'était venue, ne serait-ce qu'en entendant le titre de cette table ronde. En tant qu'angliciste, naturellement, quand j'ai entendu parler de transmission, j'ai pensé traduction des textes, puisque quand on transmet des pièces étrangères, il faut auparavant les traduire pour un nouveau public. Il me semble que la façon dont tu as problématisé toute la question au début, Clotilde, en fait, il y a deux des axes que tu as mis en avant qui seraient résumés par la question de la traduction, à la fois la transmission du spectacle dans le moment présent et puis la transmission du spectacle à des générations futures. La traduction des textes, par exemple une traduction de Shakespeare, se pose en permanence cette double question, parce que si on choisit de traduire dans une langue qui serait du 16e reconstituée, à ce moment-là on essaie de se mettre dans une esthétique linguistique qui serait celle de l'époque, et on court-circuite le rapport direct au public, de la langue au public, puisqu'on introduit un écran d'archaïsme. Ou alors on peut essayer d'adapter dans une langue moderne. À ce moment-là, on est fidèle au rapport direct de la langue de Shakespeare à son public à l'époque, mais on est plus fidèle à l'esthétique archaïsante aujourd'hui. Donc c'est véritablement une problématisation qu'on retrouve beaucoup en tant que traducteur. Et c'est pour ça que j'étais aussi frappée d'entendre Sarah Nancy parler de traduction au sujet de ce disque. J'ai trouvé très belle cette idée de traduction, non pas... comme une forme de reconstitution, mais comme une façon de traduire une façon d'être au spectacle, plutôt que traduire un objet. Essayer de traduire, d'apporter au public une façon de se comporter face à un objet un petit peu inconnu. Donc je vous remercie toutes les trois pour toutes ces idées que j'ai eu plaisir à entendre. Peut-être je commencerai par vous poser une question sur le public. Il a été beaucoup question dans vos interventions à la fois de conservation et de création, qui ne supposent pas les mêmes dynamiques ni la même politique. Si on pense à la Comédie française ou au Globe, ce sont des spectacles qui s'adressent quand même à un public assez large, alors que je suppose, je n'en ai jamais vu, mais les travaux de Benjamin Lazare, ou alors si on essaie de mettre en scène ces tragédies en musique, ce sera sans doute un public plus restreint. Et je me demandais dans quelle mesure le public conditionne la transmission. Je posais une question un petit peu large au départ, le public envisagé. Parce que vous avez beaucoup parlé de la réaction du public, des affects du public, etc. Dans quelle mesure est-ce que le public rentre en compte dans un projet de transmission, et quel type de public peut-être ? C'est pas une question trop difficile. Mes invités. Le public, donc, au moment de... On est dans le passé, par exemple. Le public... Ça pourrait être dans le passé ou dans le présent. Aujourd'hui, quand on essaie de transmettre une œuvre d'une époque ancienne, dans quelle mesure le public qu'on envisage conditionnerait cette transmission de l'œuvre, plus ou moins? J'ai l'impression que c'est une vraie question impossible à résoudre. Ça dépend de, par exemple... Si on décide d'avoir une approche sociologique ou non, par exemple, ça dépend ce qu'on fait rentrer du contexte, je pense, dans la réflexion. Je pense à cet article de Roger Chartier là, sur le Georges Dandin à la cour et à la ville, qui montre ce qui a changé, justement, ce qui change du fait même du destinataire. Je pense qu'on peut avoir comme ça une approche historienne qui dégage des choses passionnantes, mais on peut aussi, sans se désintéresser de ces questions, penser que de toute façon il y a du fantasme d'un public qui n'existe pas forcément réellement, et que c'est ça qui nous intéresse autant et qui nous donne autant de renseignements, de même que Clotilde parlait de la récurrence de motifs, de la fièvre, etc. On peut aussi penser que ça photographie pas forcément des fièvres réelles de spectateurs réels, mais un fantasme, une manière de désigner des choses. Donc je ne sais pas, j'ai envie de dire que le public conditionne et ne conditionne pas. Enfin, quand on réfléchit, on est obligé de se dire qu'il le conditionne, mais que c'est aussi un public fantasmé. Et que ce public n'est pas forcément réel. Voilà. Pardon. Merci. Oui, alors pour la question du public, j'ai l'impression que c'est effectivement surtout... Enfin, moi, j'ai rencontré cette question en travaillant sur les traductions, effectivement, du théâtre antique, où là, on peut vraiment voir différentes catégories de traductions en fonction du destinataire. Et on voit bien comment, à chaque fois, le traducteur se pose en médiateur entre le texte ancien et un certain type de public. Donc, il y a effectivement déjà une grande différence entre public de lecteur et public de spectateur. Le public de lecteur, alors public de, et parmi les publics de lecteur, bon, même si ça s'éloigne un peu de la transmission du spectacle, mais parmi les publics de lecteur, il y a bien sûr le public traditionnel des écoles, des élèves, de ceux qui apprennent le latin, et puis un élargissement de ce public aux honnêtes gens, aux femmes, avec par exemple Marolle qui entend donner un air galant à ses traductions pour plaire aussi plus au public mondain de l'époque. Donc il y a effectivement dans la traduction et une adaptation à une visée d'un certain type de public. Qui se reflète dans la syntaxe. Qui se reflète dans les choix de traduction. Merci. J'ai d'autres questions, mais peut-être que vous en avez vous-même. Je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce que nous avons des questions de la salle? Oui. Moi, ce n'est pas une question, c'est une remarque par rapport à ce que dit Sarah Nancy. Pas dans ce que vous avez dit plus important, mais c'est une incidence au début, parce que vous avez... C'était je ne sais plus qui parlait des œuvres qui traversent le ciel. Oui, c'est un professeur de Genève, Jérôme David. Voilà, donc, si vous permettez, je voudrais vous lire un petit texte poétique que j'ai repris parce qu'il m'a beaucoup plu. La nuque d'un lecteur debout au fond, son profil gauche, mâchoire serrée, concentration massive, il s'apprête à changer de siècle, là, sous mes yeux, sans bruit. J'ai toujours pensé que c'était le livre qui franchissait les siècles jusqu'à nous, jusqu'à ce que je comprenne en voyant cet homme que c'est le lecteur qui fait le déplacement. Donc ça, c'est un texte de Danny Laferrière, L'énigme du retour, et c'était publié à Montréal et Paris en 2009. Danny Laferrière est un des grands poètes canadiens d'aujourd'hui, et pour moi, il fait partie de ceux... Donc c'est un haïtien d'origine, et avec Glissant et quelques autres, il y a un truc qui m'aide à penser aujourd'hui, à mettre des mots sur ces choses-là. Et voilà, je trouve que ce texte est formidable. C'est pas une question d'antériorité, mais c'est... En plus, c'est tout à fait possible que Jérôme David le connaisse, parce que oui. Je viens, moi, de m'occuper d'un compte-rendu d'une table ronde où Jérôme David, d'une manière très libre, a dit ça. Donc c'est tout à fait possible qu'il ait Dany Laferrière dans la tête, mais je trouve ça très beau, en tout cas. Ouais. Et je trouve ça... Moi, j'ai travaillé... Ben, ça m'a frappé parce que... En tant que... Plus du côté de la musique que du théâtre, même si je viens du théâtre, mais la question de la reconstitution ou de l'authenticité de l'époque est quelque chose qui, pour le coup, traverse notre siècle. Surtout le 21e, on est dans des questions de traces, de patrimoine. Et moi-même, je me pose ces questions d'un point de vue de la recherche et de la pratique sur les répertoires anciens de Chine, en l'occurrence, mais peu importe. Et je trouve que ça a une force de renverser, de dire c'est pas les textes. Il y a une action des textes qui viennent jusqu'à nous. Bon, il y a cette action de transmission, les générations en Chine ou ici de lettrés dont nous sommes et d'acteurs pour transmettre des textes pratiques. Mais il y a aussi une action de attendre et à éduquer, disons, bêtement, comme on disait chez Brecht, éduquer le public à faire ce voyage-là. C'est pas simplement Shakespeare, il vient pas tout seul à vous grâce aux comédiens, mais Et c'est pas qu'on a à faire ce travail, c'est que ce travail, c'est du voyage. C'est-à-dire, si on se... ce déplacement qu'on fait pour aller au Globe, à la Comédie Française, ou à Mulhouse, ce déplacement, il nous enrichit. Et c'est aussi un voyage à travers les siècles. Ça nous déplace. Et c'est dans cette mesure-là qu'on accepte de se déplacer, pas dans l'éternel présent. Et vous avez raison, parce que c'est explosif par rapport à notre conception, qui est la mienne aussi, hein, de Beslich, quoi, de théâtre. C'est la représentation c'est le présent c'est le présent. Mais il y a une action de ceci aussi qui est nous faire traverser les siècles, et pas seulement que les siècles viennent à nous en spectateurs. Et l'action de la réception. Merci. Donc c'est Dani Lafleurie. Je veux bien que j'essaierai de récupérer la citation. Ouais. Merci pour cette réflexion, oui. Je me demandais si c'était possible que vous nous expliquiez ce que vous appelez ce qui est absent. Dans ce que vous avez chanté dans l'enregistrement, en tant que praticienne, ce qui pour vous est absent. Vous avez parlé d'absence, hein, je ne comprends pas, c'est bien le mot. Oui, enfin, voilà. Discret ou bridé. Ou... Oui, voilà. Oui. En fait, comment vous avez situé par rapport à d'autres époques de chant, de choses que vous avez, je suppose, déjà chantées. Et est-ce que vous pourriez être un peu plus. Décrire un peu plus. Oui, oui, bien sûr. Alors, par exemple, on est obligé d'être sans cesse attaché à la prononciation du texte. C'est ce qui est le plus frappant, en fait. Donc, c'est une écriture qui ne comporte presque pas de mélisme, donc de moments où sur une voyelle quelconque, la voix fait son petit chemin, sans souci du mot. On est, du coup, la mélodie elle-même progresse presque au rythme de la parole. En termes d'absence, vous le formuleriez comment ? De virtuosité, et puis surtout de cette sensation confortable qu'on se fait du bien à la voix et qu'on n'a pas à penser à ce qu'on prononce. Par exemple, en fait, qu'est-ce qui manque ? Enfin, quelle était cette sensation de manque ? Par exemple, dans le répertoire qu'on connaît plus du 19e siècle, on fait sa voix et puis on chante. Enfin, il y a l'impression qu'on travaille quelque chose qui est là, la voix, et après, on applique l'instrument à quelque chose. Alors que là, ça ne rime à rien, il faut de toute façon, on est asservi à la façon dont le texte avance. Donc ce qui manque à ce moment-là, c'est la jouissance pure de la voix. Voilà. C'est l'impression que la voix vit sa vie, qu'elle est autonome, l'impression... qu'on est autorisé à ne plus se préoccuper donc du texte, de la parole. Du texte, donc de tout ce qui est. Oui, du sens aussi qu'on a à tenir, et puis de la prononciation, syllabe après syllabe, qui ne nous lâche jamais. Ce qui manque, c'est l'impression que l'objet voix existe, en fait. On a l'impression que c'est une musique qui est écrite sans du tout. Sans que soit pensé qu'il y a un objet voix, qui est un instrument qu'on va pouvoir ciseler, travailler. Ce qui manque, par exemple, c'est le corps de la voix. C'est une image, mais quand on chante des répertoires beaucoup plus lyriques, on a l'impression qu'on nous donne à éprouver différentes textures de cet objet voix, que la voix est quelque chose qui a un corps, voilà, qu'on va sculpter, qu'on va travailler, qu'on va nuancer, mais qui a une chose au départ. Là, on est privé de cette chose au départ, on est obligé de commencer à chanter en parlant. Et d'ailleurs, vraiment un des meilleurs conseils qu'on m'a donné quand j'avais abordé ce répertoire, c'était de le parler, de le dire théâtralement, jusqu'à finalement mettre en surplus, comme en surplus, la ligne mélodique. Voilà. Ce que vous décrivez là, ce sont des contraintes issues directement de l'écriture musicale ? C'est pas l'équivalent de didascalie autour ou ce que vous avez Ah non, pas du tout, parce que ce qui est frappant, c'est que de toute façon, tout le monde s'en fiche de la manière de chanter. Enfin, il n'y a aucun texte sur la technique vocale. Alors même que c'est une période où on connaît déjà beaucoup de choses sur la technique vocale, notamment grâce aux dissections, on sait comment ça marche, mais aucun texte ne dit comment faire un son plein, rond, beau. C'est quelque chose qui n'occupe pas les théoriciens. Ce qu'on appelle les traités de chant à l'époque, en fait, il y en a deux et demi. Enfin, on dit les traités de chant, mais il n'y en a pas. Enfin, c'est vraiment deux et demi. Il y a presque rien. C'est des réflexions sur l'accent dans les monosyllabes, sur la prononciation, c'est des réflexions sur la manière de dire. Donc, personne ne prend comme objet de réflexion l'art de faire un beau son avec sa voix. Donc, ces préconisations, elles sont... quand je dis que c'est pas là, c'est-à-dire que c'est même... Personne ne vient dire « Attention, ne vibrez pas trop ». Non. En fait, on s'en fiche complètement. C'est pour ça que ça manque aussi, au sens où c'est même pas désigné comme ne devant pas être fait. C'est pas là, tout simplement. C'est pas considéré. C'est une remarque très générale qui concerne un peu tout ce qui a été dit. Et je voudrais aussi revenir sur la présence du public, la perception du public. C'est-à-dire inverser peut-être des choses, un peu comme vous l'avez fait quand vous avez dit qu'il s'agit de transmettre une manière de se comporter de la part du public. Alors, je pense que l'expérience, en tout cas, vaut le coup d'être vécue. Mais je me demande, et c'est la même réflexion que je me fais pour la traduction en langue vulgaire des textes latins ou aujourd'hui les représentations en déclamation baroque. Je me demande s'il n'y a pas des niveaux de réception différents en fonction de la nature même du public, en effet, et s'il n'y a pas pour chaque membre perte d'une part de ce qui devrait être transmis. Puisque dans ces opérations, il y a à la fois, d'après ce que j'ai compris, reconstitution et recréation. C'est comme ça que j'ai compris. En tout cas, ça l'est pour les spectacles en déclamation baroque. Et je voulais simplement faire part d'une expérience, c'est celle précisément de la mise en scène. J'habite en Chambéry, à l'Université de Savoie, chaque année, on a une sorte de petit festival qui s'appelle le Perspective Théâtrale et qui accueille souvent des acteurs qui sont spécialisés en déclamation baroque et on a des représentations. Donc Benjamin Lazare vient souvent, il est venu la semaine dernière pour un spectacle. Donc là, il lisait, il déclamait des extraits des Pensées de Pascal, alors précisément un texte qui n'est pas à l'origine théâtrale, mais en se référant encore à ses traités de rhétorique et de déclamation. Et donc, le spectacle est ouvert aux étudiants de l'université. Et quand on leur demande ce qu'ils ont retenu, ce type de spectacle leur a apporté, ils répondent toujours, la première l'émotion, c'est la surprise, parce qu'ils se retrouvent devant un type de spectacle et même une expression qu'ils ne connaissent pas. Et ensuite, parce qu'il y a eu Georges Landin, les femmes savantes de Molière, tout ça représentant des déclamations baroques, ils disent que ce qu'ils retiennent du spectacle, ce sont les moments comiques, mais qui l'ont été parce que les acteurs ont dépassé la gestuelle très stylisée de l'époque baroque, ou la langue, pour leur faire comprendre, c'est-à-dire pour créer une communication avec le public. Avec ce jeune public-là. Donc je pense qu'il y a perte, parce qu'eux-mêmes avouent que même en écoutant une pièce de Molière dite dans une déclamation contemporaine, sans cette stylisation particulière, ils perdent du sens en écoutant du Molière. Donc là, ils le perdent encore plus. Cela dit, ils sont parfaitement contents, ils viennent en nombre à ce type de représentation. Et par ailleurs, quand vous interrogez les enseignants ou les chercheurs qui assistent aussi au spectacle, eux-mêmes vous disent c'est extraordinaire parce qu'on a retrouvé le sens du texte de Molière, plus la reconstitution, plus les effets comiques. Enfin bon, pour eux, c'est une jouissance absolue. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'il y a une part, on va dire, élitiste de cette transmission qui ne peut être complète que si elle s'adresse à un certain type de public, me semble-t-il. Et que par ailleurs, l'expérience vaut quand même le coup d'être tentée, puisque si les étudiants reviennent à ces spectacles, c'est qu'ils sentent que, voilà, que la reconstitution et la part de recréation leur apporte des émotions fortes. Voilà, donc c'est juste une réflexion très personnelle là-dessus, mais il me semble que la perspective du public est fondamentale, de même que quand on traduit, j'étais tout à fait sensible à ton discours sur la traduction, on se demande toujours comment traduire, pour qui traduire et comment traduire durablement, parce qu'une traduction vieillit aussi. C'est-à-dire que si on en fait un texte trop contemporain, la traduction de quelques années est complètement à refaire. Voilà, donc je subis les mêmes interrogations avec les étudiants, puisqu'on anime un atelier de traduction théâtrale, et on se demande toujours comment traduire la langue ancienne. Et le niveau élevé de langue qui est celui qu'on choisit, est-ce qu'il tient le coup, est-ce qu'il va tenir le coup? Voilà, alors comment se faire comprendre, comment transmettre face à un public contemporain, ça c'est la vraie question, qui est par ailleurs très variée. Je vais juste peut-être ça m'inspire de remarques, mais très brèves. La première, c'est effectivement aussi la question que tu reposais, en tout cas, compte tenu moi des objets que j'envisageais, comment est-ce que ça conditionne la transmission? C'est effectivement une question que se posent des praticiens. Moi, en tant que chercheur ou en tant que professeur, pas tout de suite. Enfin, c'est pas comme ça que je peux la poser. Et sur la question de la perte de sens, j'avoue que il y a quelque chose qui me gêne un peu. C'est-à-dire que il y a une perte par rapport à quelque chose qu'on aurait, comment dire, à une reconstitution un peu fantasmée du texte. Et en effet, peut-être qu'elle est, pour le coup, je sais pas, calibrée. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de perte, puisque la représentation c'est pas un jugement de valeur, mais elle est calibrée pour le professeur, donc c'est sûr que lui il retrouve absolument tout ce qu'il veut pour je sais pas si on peut envisager la réception des étudiants en termes de perte, voilà, c'est ça, en termes de choses qui manquent, parce qu'on a justement, il y a pas. Oui, mais parce que c'est effectivement aussi des concepts qu'on leur donne. C'est le problème de la déclamation baroque où les étudiants de Chambéry ont de la chance d'une certaine manière, parce que ça demande une certaine éducation de l'oreille. Et c'est vrai que là où ça peut faire écran, c'est qu'il y a un piège d'être pris par la musique et du coup le sens passe à l'as, parce qu'on est complètement saisi, dépaysé, surpris, comme vous disiez, par une musique du texte. Et du coup, il faut voir le spectacle plusieurs fois pour entendre. Une fois que l'oreille est habituée à cette musique, saisir le sens. Et c'est vrai que les spectacles de Benjamin Lazare, peut-être qu'au début, ils étaient cantonnés dans un espace un peu restreint ou élitiste, mais plus du tout maintenant. Et je crois que plus on l'entendra, cette langue, plus l'oreille sera accoutumée, plus on pourra profiter de ces textes. Et je trouve qu'en matière de transmission des textes littéraires anciens, c'est absolument extraordinaire, parce que là, le spectacle qu'il fait sur Cyrano, par exemple, Cyrano de Bergerac, aujourd'hui, qui le connaît? On a cet écran de Constant, par exemple, et qui va aller lire parmi nos étudiants Cyrano? Grâce à ce spectacle, il arrive à faire passer Cyrano d'une manière, encore une fois, d'un texte non théâtral, il arrive à faire quelque chose, une performance théâtrale qui rend accessible le texte. Mais c'est vrai qu'il y a cet écran de la musique, de la déclamation, qui au départ surprend et du coup empêche quelquefois le sens. Mais après, une fois qu'on est accoutumé, je pense qu'au contraire, ça rend le sens plus clair, enfin, il me semble. Non, je crois que c'est plus grave que ça, il y a aussi l'écran de la langue. La langue en tant que telle. Oui, mais ça, c'est ça. Oui, mais justement, alors, que doit faire l'acteur pour communiquer avec un public? Mais bon, c'est pas le débat. Moi, je suis peut-être beaucoup plus optimiste parce que j'ai une expérience de... Le Bourgeois gentilhomme de Benjamin Lazare, je le montre depuis à peu près 8 ans à la fac, à tout et à là. Mais surtout, je l'avais montré au collège. Un jour, je m'étais trompée de DVD en partant. Je m'étais retrouvée coincée en me disant, j'ai qu'une solution, c'est que j'assume complètement mon choix. Je leur dis, je veux vous montrer ça. Et ça avait complètement marché. Après trois quarts d'heure de brouillard, après, eux-mêmes se mettaient à parler, à imiter la déclamation baroque, et ils étaient pris. Évidemment, on avait lu le texte, mais en fait, ça ne fait que relancer le problème de... C'est un texte plus simple, Pascal ou Cyrano, oui, Mais donc j'ai l'impression que c'est un problème infini sur qui en fait renvoie à la littérature en général. Et en tout cas, par exemple, pour, je dirais la même chose que Clotilde. Moi, j'ai pas du tout voulu faire. Je ne prétends pas du tout éduquer l'oreille, c'est pas ça. Et ce disque, c'est pas un spectacle. C'est pour moi, c'est une manière de faire réfléchir à nos attentes en matière d'effet d'écoute. Par exemple, je l'ai pas dit parce que je voulais pas trop développer, mais de faire réfléchir à ce réflexe d'interprétation de l'effet de la voix en termes de sublime et de jouissance qui est très très installé depuis la modernité. Et j'avais envie d'essayer de faire penser autre chose, d'autres scénarios de plaisir. Mais donc, c'est pas, on ne peut pas se demander si ça va faire écran ou pas, puisqu'en fait, pour moi, c'est un outil, là, pour le coup, de chercheur. En tout cas, je réfléchirai sur deux voies différentes pour savoir qu'est-ce que je donne à écouter aux enfants, et puis, d'une autre manière, comment... Enfin, ça s'articule, hein, justement. Je pense qu'il faut donner la même chose, mais tout ne sera pas reçu. Le niveau de réception... Oui, mais comme... Voilà. Même quand on leur fait lire des textes tout seul, le problème se pose, quoi. Juste pour prolonger un tout petit peu, mais sur une question un peu adjacente, c'est par rapport peut-être, il y a aussi quelque chose qui évolue peut-être par rapport à la place du texte dans la réception du spectacle. Puisque ce qui m'a frappé aussi, c'est ce que ça rejoint un peu ce que disait Judith quand elle a dit que le spectacle de Benjamin Lazare donnait accès au texte de Cyrano qu'on n'aurait peut-être pas lu, voilà, qu'on ne lit plus, c'est qu'en fait le spectacle devient non pas forcément comme dans la mise en scène des classiques telle qu'elle a longtemps existé, le moyen de célébrer un patrimoine commun, des textes que tout le monde connaît par cœur. Comme quand on va voir une représentation du Cid et que les spectateurs d'un certain âge récitent les vers avec les acteurs. Et aujourd'hui, on est plutôt, avec un public d'étudiants, face à des étudiants qui découvrent vraiment des textes par l'intermédiaire de spectacles, parce qu'effectivement, on organise une représentation à l'université, parce qu'on les emmène au théâtre, parce qu'il y a un spectacle de reconstitution, et c'est en fait l'événement qui va les attirer vers le texte et qui va leur être leur premier contact, finalement, leur donner un premier contact avec le texte à travers le spectacle. Il me semble qu'à ce moment-là, la perception est un peu différente que quand c'est simplement un spectacle qui rejoue un texte bien connu, canonique. Oui, effectivement, c'est pas du tout la même expérience. On a découvert Pyramétis B, c'est vrai. Voilà, c'est ça, Pyramétis B aussi. Qu'on ne joue plus, qu'on ne lit plus. Qu'on ne connaît pas, et grâce à ça, peu avec quelques personnes les lisent. C'est ça, oui. Découvert comme ça. Et c'est pas effectivement les textes les plus connus. Bon, après, il y a aussi un malade imaginaire. Voilà, oui. Bon, il en faut aussi. Oui, voilà. Et c'était justement le sens de ma prochaine question, en fait, très naïvement. Bon, je regrettais déjà de ne pas avoir vu le spectacle de Benjamin Lazare, je regrette encore plus. J'ai vu des choses peut-être sur le théâtre médiéval en Angleterre qui me permettent d'imaginer un petit peu l'expérience que ça peut être. Vous avez dit tout à l'heure qu'il envisageait ces spectacles comme une lecture plutôt que comme une incarnation. L'incarnation serait le mode moderne, l'actor studio, je suppose. Oui. Je voulais vous demander d'expliquer un petit peu ça. Quelle est une lecture à ce moment-là? C'est mis en scène. En fait, il explique que la gestuelle baroque n'exprime pas directement les émotions ressenties par l'acteur, mais illustre en fait. Enfin, les images, que c'est un jeu qui est plus un soutien du texte, de la parole, qui va mimer les métaphores ou les images, donc qui soutient le texte, en fait, qui illustre le texte, et non pas le ressenti ou le vécu de l'acteur. Donc c'est dans ce sens-là que... Donc c'est une lecture au sens de mise en voix, ce qui renvoie à ce que vous signaliez tout à l'heure sur le problème de la musicalité. Peut-être c'était plutôt ça remonte à la déclamation du 18e siècle, donc des codes oratoires. C'est ça. L'oratoire, c'est qui privilégiait la voix justement sur le geste. C'est un jeu qui est au service du texte. Voilà, vraiment, qui oui. suivait notamment, mais là c'est vraiment un travail de la constitution de la déclamation française de l'époque, c'est-à-dire comment les Français, les acteurs français, les comédiens, effectivement, déclamaient sur une situation précise d'Alexandrov, quoi. Donc c'était vraiment un code. Et c'était pas évidemment... Enfin, c'était la déclamation française qui avait été après... Comment dire, c'était répandu en Europe, mais c'était pas... les Italiens n'étaient pas du tout comme ça. Donc il y avait cette différence entre, justement, la déclamation française qui était codifiée, c'était presque vraiment une prononciation d'un texte, une lecture d'un texte qui faisait la différence avec l'interprétation italienne qui, à l'époque, au contraire, était plus proche en interprétation. Et là, ça revient un petit peu, au discours de Dubos, qu'il faut prendre un petit peu avec attention, parce que quand il parle d'italien, il a dans la tête justement la déclamation française. Alors, quand il s'étonne de la déclamation, enfin, du jeu italien, et donc, comment dire, c'est du point de vue d'une déclamation chantante. Voilà. C'est plutôt ça. Et même le corps de l'acteur n'est pas du tout le même. L'acteur en déclamation baroque a un corps qui est plutôt statique, et sa gestuelle appuie ce qu'il dit. S'il parle de l'âme, il fait ça avec la main. Enfin, ça n'a rien à voir avec le jeu contemporain, ni avec le jeu des acteurs italiens. Quand je dis que c'est pas un théâtre incarné, c'est surtout pour justement se positionner contre un certain type de jeu un peu, je lui dirais, psychologique. Et puis surtout, il tient à se référer aux autres théâtres, par exemple le kabuki ou le no, qu'on continue à jouer comme on le jouait au XVIIe siècle. Et il compare le théâtre baroque français à ses formes théâtrales dont on a gardé les techniques de jeu, alors qu'en France, on a revu à une certaine époque avec ces techniques de jeu. Donc il se réclame de ces théâtres hyper stylisés. Et qui se transmettent de maître à génération et avec lesquels on n'a jamais vraiment revu. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, je voulais revenir sur la question de l'éphémère, et en particulier sur la perception différente. Nous sommes dans les prétextes, donc les points de vue même des époques et des pays sont différents. Là, nous avons une séance qui était très centrée sur une perception de l'éphémère de la transmission dans un champ qui est celui du théâtre français, au moins de la perception qu'on a de cela en France, mais évidemment la notion d'éphémère n'est pas la même dans d'autres pays, et la même question concerne la transmission et l'organisation de la transmission que les auteurs ou les gens du spectacle eux-mêmes font de leur production. Vous parlez d'opéra français, et l'opéra français est imprimé, chose impensable pour l'opéra italien de la même époque. Donc déjà là, il y a un souci des transmissions qui n'est pas les mêmes et qui mérite, je pense, une réflexion d'une façon comparative. On vient d'entendre justement des spectacles en tant que traduction ou récupération archéologique. C'est le cas des cours italiens de la Renaissance, mais c'est un souci qui est académique. Ce n'est pas un souci du spectacle véritable. Il deviendra après spectacle, lorsque on n'est plus dans l'archéologie et dans la transmission d'un savoir ancien, mais ça devient production de la contemporanéité. Et à ce moment-là, il n'y a aucune trace, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mémoire qu'on veut transmettre. Hein, c'est concernant l'Italie. On parle de voix, des voix, mais il y a des traités de la voix. En Italie, par exemple. Mais ça, genre, c'est voilà. Évident. Je donc, non, c'était qu'est-ce que... justement. C'était j'ai l'impression que c'est fixer, évident que je suis d'accord. Pour fixer l'effet qui est déjà dans la notion d'éphémère et de transmission, on est loin lorsqu'on change les pays. Et un des grands travaux que j'ai fait, c'était de voir comment l'Italie servait de miroir au scénario que j'essayais de mettre au point, puisque de toute façon, tout ce que vous dites là, enfin, j'ai pas trouvé de réflexion, par exemple, sur l'absence d'impression coaxive sur les cadences, la façon dont les Français parlent des cadences italiennes, c'est ça. On voit très bien que justement, c'est complètement une autre configuration de valeur juste à côté, et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Français parlent de ces modes de fonctionnement italiens, et ça fait apparaître des différences énormes. Je suis complètement d'accord. Non, mais la question est aussi du point de vue de la notion d'éphémère, par exemple. Pour quelles raisons l'opéra français. Je n'ai pas parlé d'éphémère. Oui, non, mais je l'ai en plus. C'est toi, Clotilde. Oui, en parlant de théâtre espagnol et anglais, donc, mais et de notre point de vue, simplement de notre point de vue, on a, c'est un objet, c'était une sorte de tarte à la crème de justement du spectacle comme étant éphémère. Et après, en effet. La notion d'éphémère a une perception différente par rapport au moment où on n'a aucune trace imprimée d'un spectacle. Ah oui, oui. Enfin, oui. Et ça, c'est effectivement des traditions différentes. En effet, il y a la tradition italienne qui n'est pas la même que la tradition où on a une trace imprimée, parfois la trace imprimée. De quelle manière, à chaque époque, on organise une transmission? Parce qu'on donne des traces d'une possible transmission. Du point de vue des praticiens. Oui, des praticiens, des compositeurs dramatiques. Il y a aussi des compositeurs. Oui, on envoie des signaux pour la postérité. C'est vrai qu'il y a aussi le genre de la relation de spectacle dont on n'a pas parlé, et que en particulier en Italie, il y a énormément de relations de spectacle au XVIe siècle. Donc il y a effectivement différents modes de conservation du spectacle, des textes qui sont centrés sur le spectacle et sa transmission. Là, on a une citation comme l'exemple que Clotilde a utilisé. On cite un spectacle. On n'organise pas une transmission d'un spectacle. Moi, je me suis posé la question parce que à chaque fois. Tous les textes que je trouvais donc, dans cette façon de concevoir la voix étaient à 90% des textes de théoriciens, de lettrés. Et quelqu'un m'avait dit « Bah oui, mais cette opinion, c'est l'opinion des lettrés. » Oui, évidemment, je sais bien, mais je ne pourrais jamais savoir ce que pensaient les autres. Mais j'ai fini par me dire, c'est un peu à mon avis le même genre de réflexion sur l'imprimé, mais si tous ces textes existent, ça veut dire qu'on se dit qu'on peut dire quelque chose de ce qu'on éprouve, qu'on juge utile d'écrire des pages et des pages sur ce que doit être une représentation théâtrale. Pour moi, c'est ça. Là, on a un signe dans le fait même que ces textes théoriques existent à foison. Évidemment, ça ne nous dira jamais ce que les autres qui n'ont pas parlé ne disent pas. Voilà, c'est comme ça. Mais le fait même que cette masse de textes existe nous renseigne sur le fait qu'à un moment, on juge hyper important le fait d'écrire là-dessus, qu'on peut en dire quelque chose. Il suffit de comparer avec justement ce que quelques Français fans d'opéra italien disent, dans le fait « je ne peux rien en dire, je suis sans voix », pour voir que c'est autre chose qu'en France. Ah oui, ça, on les organise, les conditions de la transmission, parce qu'on juge que ce qui est important, c'est ce qui peut se transmettre, ce qui peut se formuler, se partager, circuler. Donc, dans le fait même que ces textes existent, je pense que ça nous indique une manière de concevoir la transmission. Non, mais il y avait une question, en effet, que tu posais, effectivement, mais on ne va peut-être pas prolonger, je ne sais pas quelle est exactement. Mais qui est, en effet, quand est-ce qu'on instaure, enfin, quand est-ce que s'instaure l'idée qu'il faut transmettre à ce moment-là, d'une espèce de. Qu'il faut transmettre un spectacle. Là, j'ai l'impression que sur ces siècles-là, en tout cas, dans la façon que nous, on a de concevoir la transmission du spectacle, ça n'existe pas vraiment. Est-ce qu'à partir de quel moment on peut considérer qu'on. On a beaucoup de choses. Moi, je m'étais posé cette question, puis je me suis dit, bon, peut-être ça ne sert à rien de la formuler, parce que ça se pose peut-être pas, mais à partir de quand on considère qu'on a beaucoup de choses? Est-ce qu'on considère que c'est à partir de 1750, parce qu'il y a des Gasquiers qui parlent de tel ou tel spectacle, mais bon, ils en disent des choses assez floues, justement, c'est toujours du point de vue de l'effet, ce qu'on garde, c'est l'effet. C'est ça qu'on discute, c'est ça qui est important de conserver. Sinon, il y a peu de choses de. Alors après, je sais bien, on peut faire la liste, mais il n'y a pas tellement de choses sur les faits. Voilà, à partir de quand on décide, on pense que cette tradition, cette idée du besoin de transmettre, enfin, qu'il faut instaurer une tradition de transmission du spectacle. C'est quand même souvent lié à la valeur politique du spectacle. Enfin, je ne sais pas, je pense au livret du ballet comique de la Reine en 1582, avec des gravures, une description des ballets, une description des personnalités présentes, etc. Ouais. Et donc, en fait, ce format, effectivement, ça existait aussi au XVIIe siècle en Italie. Enfin, dans les cours, c'est ça. Spectacle de cours. C'est ça, la relation au spectacle. Les rentrées, par exemple, voilà. des spectacles, des mariages, des spectacles des cours, il y avait genre, des officiers qui s'occupaient de transmettre. C'est pas un hasard que la ballette de la Reine rentre un petit peu dans le domaine des Médicis, des Catherine, c'était. Oui. Donc, oui. C'est justement une transmission qui passe d'une certaine façon de l'Italie à la France. Et je pense notamment aussi par rapport à ce qui reste, comment dire, à l'intention française, je dirais, de conserver, de garder du spectacle, c'est plutôt le texte, alors que ça me semble qu'en Italie, c'est vraiment le spectacle. Et là, c'est vraiment ce que c'est le spectacle, si le spectacle est le texte ou non. Vous voyez ce que je veux dire, parce que de ce qu'on parle, ça me semble comment dire, qu'on appuie beaucoup l'attention sur le spectacle, mais en tant que texte. Alors l'opéra, c'est le texte qui est, ou alors la tragédie est le texte qui est dit dans l'opéra et le texte qui est chanté. Alors que le spectacle, je pense, mais ça c'est vraiment une réflexion que je mets en place, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà du texte. Donc même la transmission du spectacle n'est pas seulement la transmission de texte. Ah non, évidemment. Oui, mais il y a effectivement une espèce de textocentrisme, en particulier en France au XVIIe siècle, qui fait que le spectacle a tendance à être considéré comme une expression du texte, et que du coup, effectivement, si on a le texte, on a tout pour dans une certaine tradition. Dès qu'il y a une idée politique derrière, il y a des relations de spectacle. Mm-hmm. Les fêtes royales, il y a des tas de relations, il y a en particulier les récits de Félibien, donc il n'y a pas tellement de différence de ce point de vue-là entre la France et l'Italie. Simplement, c'est pas le spectacle du théâtre en tant que tel qu'on veut transmettre, c'est l'opération au spectacle. Et c'est elle qui impose la rédaction d'une relation. J'hésite un peu à vous offrir un point de comparaison si éloigné, mais j'ai souvent été frappée aux États-Unis par la différence d'attitude du public américain envers les pièces qui sont américaines et celles qui ne le sont pas. Si vous allez voir du Shakespeare à New York ou tout autre auteur européen, par exemple, les gens se souviendront de qui a joué, de qui a mis en scène. Vous allez voir une pièce américaine ou une comédie musicale, ce sera « j'ai vu la production originale » ou alors « j'ai vu la reprise » ou « la reprise de telle année ». Mais on considère, il y a l'idée un peu sous-jacente, que le spectacle est toujours le même. On gomme les différences non seulement d'une représentation à l'autre avec les mêmes interprètes, mais même d'un interprète à l'autre. La perception, c'est véritablement « I saw the revival, I saw the first production », comme si, parce qu'on cherche à construire un peu cette littérature américaine et cette tradition américaine trop récente par rapport à la tradition européenne, les spectacles avaient une vie eux-mêmes. C'est très très sensible à Broadway notamment. Donc, c'était juste un point de comparaison très très éloigné, mais qui montre bien la différence. Que nous avons d'autres remarques ou questions. Non, mais dans ce cas-là, merci beaucoup. Donc, la prochaine séance, c'est le 19 mars. Voilà. Merci.